Mélodie Marine vous présente Je te rejoindrai, lu par l'auteur. Chapitre 1er. Le Bird of Paradise, amarré à un quai du port de Savona, attendait sagement d'avaler les quelques milliers de passagers qui se presseraient bientôt à son bord. D'un blanc immaculé, ce géant des mers impressionnait par sa hauteur et sa splendeur. Épuisé par une nuit blanche passée dans le train, une attente de 4 heures pour prendre un car qui la conduirait directement à Savona, Harmony titubait de fatigue. Elle n'avait plus qu'une hâte, rejoindre sa cabine et s'allonger. La tête lui tournait et la faim la tenaillait depuis la veille au soir. Elle sentait une grande faiblesse l'envahir et se demandait avec angoisse si elle arriverait à accomplir les formalités d'embarquement. Depuis de nombreuses années, elle espérait ce voyage, et elle s'était promis que si la vie lui accordait cette chance, elle visiterait Funchal, cette île paradisiaque connue sous le nom de Madère. Blonde, élancée, mais tout de même bien en chair, elle était divorcée depuis 2 ans. Un gain important au loto lui permettait enfin de concrétiser son rêve. Elle savait qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Sa santé déclinait doucement. Chaque jour, elle se sentait plus faible et des douleurs intenses irradiaient son bras et son sein. Le diagnostic était tombé quelques mois plus tôt. Cancer du sein en phase terminale. Son corps ne tiendrait plus longtemps maintenant qu'il était totalement métastasé. À 45 ans, elle se sentait vieille. Sa vie, depuis sa naissance, ne lui avait fait aucun cadeau. Alors elle voulait à tout prix visiter cette île. Elle se souvenait de ce film où Sissi, impératrice d'Autriche, tout en haut de la colline, se délectait de ce paysage paradisiaque et de ses innombrables fleurs. Cette image, pendant des années, était restée ancrée dans sa mémoire. C'en était devenu une obsession. Comme dans le film, elle se voyait dans les bras de l'être aimé, en haut de cette éminence qui surplombait une mer d'un bleu intense sous un ciel d'azur. Jamais elle n'avait imaginé pouvoir un jour se payer cette croisière. Elle avait dépensé un argent fou, mais en même temps, qu'en ferait-elle une fois morte? Un bateau de rêve, une suite, un service digne d'une reine, et au bout du voyage, cette île magique. Cependant, il y manquait un élément important, et pas des moindres, un homme. Mais après tout, avec sa maladie, c'était bien ainsi. Elle était seule au monde depuis tant d'années. Pas de mari, pas d'enfant, plus de famille. Triste? Oui et non. La vie vous offre parfois la possibilité de concrétiser un de vos rêves. C'était le cas aujourd'hui. Alors tout était bien. Elle s'en satisfaisait et de toute façon elle n'avait pas le choix. Cette grosseur dans son sein gauche était apparue depuis de nombreuses années. À cette époque, et par peur avant tout, elle se cacha la vérité. Puis au fil des ans, elle l'occulta. Elle la rangea dans un coin de son cerveau. Aujourd'hui, elle était libre, grâce au gain du loto, mais hélas plus pour très longtemps. Enfin, un steward la conduisit à sa suite. Une pièce spacieuse et luxueuse, aux murs tendus de velours grenat, assortis aux tentures. En son centre trônait un grand lit. Sur une jolie coiffeuse en bois d'acajou, lui faisant face, un plateau de courtoisie, garni de chocolat, biscuits, de toutes origines, ainsi qu'un seau en cristal dans lequel refroidissait une bouteille de champagne. Plus loin, elle fut attirée par l'immense baie vitrée, ouvrant sur un balcon, sur lequel des transats recouverts de coussins moelleux attendaient les occupants des lieux pour un repos bien mérité. Le steward lui fit découvrir une petite salle à manger, ainsi qu'un salon attenant à sa chambre. Un vrai luxe qu'elle allait goûter avec un réel plaisir, tout le temps de la traversée. Pour le moment, elle n'avait plus qu'une seule idée en tête, avaler son médicament et dormir. Le steward, averti de son état, lui confirma que pour elle, l'exercice de sauvetage ne se ferait que le lendemain dans le théâtre, où il pourrait la conduire si elle le désirait. Elle le remercia, lui donna un bon pourboire, bien que la direction le déconseillât, et l'homme s'en alla en la saluant, refermant la porte doucement derrière lui. Elle n'eut guère la force d'ouvrir sa valise pour ranger ses affaires. Elle ne prit que son peignoir, se déshabilla et se mit aussitôt au lit. Elle apprécia le soyeux des draps, leur léger parfum, la caresse de la couverture. Elle se leva dans cet écran, écrin de douceur. Son esprit s'évada. Des images de son passé refirent surface. À l'âge de 3 mois, sa mère l'avait abandonnée. Son alcoolique de père voulut s'en débarrasser en la plaçant dans un orphelinat. Seule, contre toute la famille, sa tante paternelle l'avait sauvée. Malgré ses handicaps, elle l'avait élevée comme sa propre enfant. Aveugle et sourde, elle s'était mariée tard à un homme bourru, mais bon. Pendant 20 années, elle l'avait toujours aidée, celle qui lui avait sauvé la vie, par reconnaissance et par amour. Harmonie était restée à ses côtés jusqu'à la fin. Elle n'avait jamais travaillé au sens rémunérateur. Mariée à 20 ans, la vie qu'elle avait vécue avec son mari ne valait pas la peine qu'elle s'en souvienne. Pervers et narcissique, la critiquant sur tout et n'importe quoi, elle ne l'aimait plus depuis longtemps. N'ayant aucun moyen de subsistance, elle dut rester avec lui et subir toutes ses exigences. Il dilapida son petit héritage, la laissant sans ressources. Finalement, elle se décida à divorcer. Un sourire étira ses lèvres quand elle se remémora sa tête au prononcé du verdict. Je déclare le mariage des époux Leroux dissous. Madame, vous pouvez reprendre votre nom de jeune fille si vous le souhaitez. Oh, la tête du gars! Bien sûr qu'elle changerait de nom. Sur ce souvenir au goût de victoire, elle s'endormit paisiblement, blottie dans ce lit douillet, comme une enfant apaisée. Lorsqu'elle rouvrit péniblement des yeux encore ensommeillés, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Puis un grand sourire étira ses lèvres. Elle courut sous la douche et l'eau fraîche la revigora. Elle avait faim. Depuis combien de temps n'avait-elle plus connu cette sensation? Elle farfouilla dans ses bagages et en sortit une robe longue, légère, en soie bleu ciel. Elle prit ensuite grand soin à son maquillage et, fin prête, distilla une goutte de son parfum favori derrière ses oreilles et sur son décolleté. Sa montre indiquait 19h42. Elle avait dormi d'une seule traite pendant presque 3 heures. Cela aussi, c'était une première. Elle claqua la porte de sa cabine, mit sa carte clé dans sa pochette et prit un ascenseur dont les parois de verre vous plongeaient directement en panorama sur l'intérieur du navire. Vertige interdit. Le paquebot était splendide. Des bars à thème, avec pistes de danse disséminées çà et là, vous invitaient à vous détendre ou à danser, à écouter la musique de votre choix. Harmonie, dont l'estomac se serrait depuis la veille au soir, avait absolument besoin de se restaurer au plus vite. Elle se dirigea vers le restaurant réservé aux VIP. Un maître d'hôtel vint lui ouvrir la porte et, après qu'elle eut décliné son numéro de cabine, la conduisit à sa table avec vue sur la mer. Il l'informa qu'elle lui serait réservée pour la durée de la croisière. Le restaurant, miroir biseauté sur tous les murs, fresques peintes représentant des scènes de la vie parisienne au XIXe siècle, dépaysait complètement les convives. Dans cette atmosphère paisible et feutrée, elle se détendit enfin. À cette heure, seulement un vieux couple fort attendrissant dînait, les yeux dans les yeux, avec pour seule conversation un doux sourire qui étirait leurs lèvres de temps à autre. L'homme attentionné envers sa compagne la servait et, lui prenant la main, la portait à ses lèvres régulièrement. Harmonie mélancolique les envia, mais fut heureuse de voir des gens s'aimer encore à ce point-là, après tant d'années. Quelques minutes plus tard, un serveur vint lui demander si elle désirait un apéritif. Sur son signe négatif, il repartit aussitôt pour revenir avec un menu. Écrit en italien et en français, langues qu'elle maîtrisait parfaitement, l'une en tant que langue maternelle et l'autre, apprise quelques années plus tôt lors d'un séjour prolongé de 5 longues années à Turin. Fort heureusement d'ailleurs, car le serveur ce jour-là comprenait bien mieux l'italien et balbutiait à peine le français. Elle prit des toasts de saumon accompagnés de salade et tomates en entrée, et une truite saumonée braisée au basilic et au safran, pommes de terre vapeur. En dessert, une coupe de fraises à la menthe. Une bouteille d'eau minérale pétillante accompagnerait ce menu qui, pour elle, lui semblait pantagruélique. Tout en dégustant son repas, elle jetait de fréquents coups d'œil par la fenêtre, se repaissant de cette vue sublime. Le soleil déclinait peu à peu et ne tarderait guère à se coucher, laissant derrière lui une traînée orangée qui miroitait sur l'onde. Elle entendit quelques bribes de conversation lorsqu'un passager qui était entré sans qu'elle s'en aperçoive commença à discuter avec le serveur. Quelque temps plus tard, un gigantesque éclat de rire la fit se retourner malgré elle. L'homme, la cinquantaine, à peine grisonnant, une prestance innée, des yeux d'un bleu profond et malicieux, regardait en riant à gorge déployée ce que le serveur venait de lui apporter. Une coupe de fruits frais. Il en était pourtant qu'à son plat de résistance, qui consistait en un tourneau rossini. Il essaya encore tant bien que mal de se faire comprendre, puis au bout d'un moment, voyant ses efforts inutiles, il cessa. Levant la tête vers Harmonie, il lui sourit, faisant luire sa dentition impeccable. Elle reçut une décharge en plein cœur. Lui aussi devait avoir ressenti une certaine émotion, car ils se regardèrent quelques longues secondes avant de baisser enfin le regard. Harmonie termina son repas en se forçant à finir sa coupe de fruits, lorsque le serveur réapparut devant elle penaud. « Madame, excusez-moi, dit-il en italien, pourriez-vous m'aider un instant? « Certainement. Que puis-je faire pour vous? « Ce monsieur, dit-il en désignant l'homme qui terminait lui aussi son repas, ne comprend pas ce que je lui explique et je ne parle pas le français. Mon collègue est tombé malade au moment de l'embarquement. Je ne sais comment faire. « Je comprends. Que désire-t-il? « C'est bien là le problème, madame, je ne sais pas. Oh, suis-je stupide, c'est évident. Après avoir fait la traduction, elle ajouta, « Si vous avez besoin de moi pendant le prochain repas, n'hésitez pas à venir me demander de l'aide. Le jeune serveur la remercia chaleureusement. Elle lui tira sa chaise pour qu'elle se lève et la salua en la raccompagnant à la porte du restaurant. Une attirance quasi magnétique lui fit tourner la tête vers l'homme alors qu'elle s'était interdit de le faire. Il leva également la tête à ce moment précis et leurs regards se prirent de nouveau. Il se secoua légèrement et, levant son verre, la salua. Elle lui retourna un hochement de tête discret et sortit. Déferlant d'un ascenseur, une dizaine de jeunes gens, riant et se bousculant, se dirigeaient vers la discothèque. Elle n'eut que le temps de se plaquer au mur. Jeunesse dorée, pensa Harmonie amusée. Elle se sentait lasse à nouveau. Le navire devenait peu à peu silencieux. Les passagers devaient être soit au premier spectacle de la soirée, soit déjà à reprendre des forces dans leur cabine. Elle foula la moquette rouge et moelleuse et ouvrit la porte menant sur un pont. Un courant d'air lui fit faire volte-face. Elle n'était pas assez couverte pour se risquer ce soir, en début de croisière, à prendre froid. Elle se résolut donc à retourner dans sa suite. Elle n'alluma pas la lumière, prit simplement le plaid en cachemire qu'elle avait oublié sur son lit, ouvrit la grande baie vitrée et, se pelotonnant dedans, regarda les étoiles. Le ciel sans nuages et sans lune était noir, mais brillait par ces milliards d'étoiles qui le piquetaient. La mer lisse, luisante comme un miroir, reflétait le moindre éclat de lumière. Tout était si paisible. Harmonie repensa soudain à l'homme du restaurant. Elle frissonna. La brise légère n'y était pour rien. Son cœur s'emballa. Il lui fallut redescendre sur terre. Il n'était certainement pas seul, et de plus, avec sa maladie, elle s'interdisait formellement la moindre aventure. Il était trop tard désormais pour cela. Dans une autre vie, sans doute. Elle referma la porte-fenêtre. Voulant prendre son peignoir, elle s'aperçut que tous ses vêtements avaient été non seulement repassés, mais aussi rangés soigneusement dans l'armoire. C'est formidable ce que l'argent peut faire, se dit-elle. Un petit coup à sa porte la fit sursauter. Et si... Allons, ne sois pas stupide, se reprit-elle en allant ouvrir. Une femme d'une bonne quarantaine d'années, en uniforme du bateau, se présenta. « Bonsoir, madame, je suis Vilona, médecin du bord. » À son accent très prononcé, Harmonie devina une nationalité slave. « Je suis à votre service, madame. Il y a une sonnette en haut de votre lit. N'hésitez surtout pas, de jour comme de nuit, à m'appeler si votre état de santé le requérait. « Je vous remercie infiniment. » J'espère que pendant toute cette croisière, je n'aurai pas à le faire. Je l'espère aussi. Passez une bonne nuit. Harmonie la remercia et la raccompagna à la porte. Elle prit une fiche et cocha ce qu'elle désirait pour son petit déjeuner du lendemain, qu'elle espérait prendre sur son balcon. Elle mit la fiche sur la poignée extérieure de sa cabine et finalement se coucha pour s'endormir quasi immédiatement.